Si je vous dis Tennessee, ça vous fait penser à quelqu'un? Et alors là, si je vous dis que je t'aime, voilà. Vous me dites? Et enfin, si je vous dis Johnny, vous me dites? La terre.